Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Studek Web. Les titulaires sont là, je suis encore là, je le sais, mais c'est pas grave. Avec moi autour de la table, le romantique du football, le ravir pastoré de Boulogne. Faut pas déconner non plus, Antoine Ballet. Alors quand tu dis le ravir pastoré de Boulogne, c'est marrant parce qu'il y a toujours la connotation bois de Boulogne, du coup ça fait assez bizarre, mais c'est vrai. Ouais, et t'es fragile comme ravir, donc allez. Du coup... Celui qui est doté d'un œil acéré, qui voit tout, qui sent tout, et qui, s'il serait sur un terrain, il boufferait tous les autres joueurs. Johan Guillet, comment tu vas ? Merci, mais on dit s'il était et pas s'il serait. J'ai dit s'il serait, c'est ouais, vrai. Voilà. S'il était, tu as tout à fait raison. Déçu merci que tu ne m'aies pas appelé le Romain Mouma de Bois d'Arcy. Ça m'aurait plu. Pas le même physique. Et au sommaire, le PSG qui a sorti un match énorme sur la pelouse de Manchester United. Alors que retenir de ce match ? Une équipe retrouvée, mais est-ce qu'il n'y a pas encore quelques doutes ? Et dans les autres matchs, le Real qui s'en sort très bien. Face à l'Ajax et Tottenham qui prend une très belle option face à Dortmund. Et pour conclure, la Ligue 1 avec notamment Saint-Etienne, PSG. Et une nouvelle qu'on a appris tout récemment, c'est la démission de Vadim Vassiliev, le vice-président de l'AS Monaco. Vous êtes prêts les gars ? Allez, totalement. C'est parti. Les titulaires sur Studek Web. Et on commence par la Ligue des Champions avec la musique, évidemment. Merci, Simon. Magnifique. Ça valait le coup, le petit suspense de notre Simon adoré qui nous réalise. Non, mais c'est cette musique, elle nous donne tellement de frissons. On regardait le match avec Antoine et on l'a laissé là pour cette petite saveur. Et c'était Manchester United et PSG qu'on a regardé, évidemment, avec Antoine. Je rappelle le score, 2-0, but de Presnel Kimpembe pour le score sur un corner de André Di Maria. Et j'insiste bien sur le André Di Maria qui est encore là pour une deuxième passe décisive, cette fois pour Kylian Mbappé qui a fait son match. Et le PSG qui s'impose 2-0, c'était une petite surprise. Mais là, je ne sais pas, messieurs, si vous êtes d'accord, mais depuis Thomas Tuchel, j'ai l'impression que le PSG est une véritable équipe. On parlait de somme d'individualité avant. Et là, je pense que c'est une véritable équipe, Johan. Qu'est-ce que t'en penses ? Il a apporté quelque chose d'assez impressionnant, Thomas Tuchel. On a tous en tête la joie des Parisiens après la victoire en Trophée des Champions, en tout début de saison. Ouais. On s'est dit, c'est bizarre de voir Paris, qui d'habitude joue ses matchs, on va dire, un petit peu tranquillement. Cette fois, Paris était totalement en fusion après cette victoire et a célébré cela comme il se devait, avec son nouvel entraîneur. Et en fait, depuis, on n'a jamais senti un manque de soutien de la part des joueurs envers le coach. C'est assez impressionnant. Même Unai Emery, quand il avait gagné 4-0 contre Barcelone, quand Paris avait gagné 4-0 avec Unai Emery, on disait cette victoire, c'était la victoire d'Emery parce que justement, Emery avait des problèmes avec ses joueurs. Là, il n'y a absolument aucun doute sur quoi que ce soit. Tuchel est l'homme de la situation. Et malgré tout, malgré cette défaite contre Guingamp inaugurale dans cette année, je vais y arriver, je ne vois pas ce qui pourrait empêcher ce coach de s'entendre parfaitement bien avec n'importe quel joueur qu'on peut lui mettre sous la main. C'est ça le truc, Antoine, ouais. C'est qu'il est aimé, c'est pour ça que les joueurs se donnent un peu plus qu'ils se sont donnés les années précédentes. Bah, Tuchel a réussi ce qu'Emery n'a malheureusement jamais réussi à faire, c'est-à-dire obtenir complètement l'adhésion de son vestiaire. C'est-à-dire que le problème, je pense, qu'a connu Unai Emery, c'est qu'il est arrivé un petit peu trop violemment en voulant imposer ses méthodes. Tuchel, ça a été un peu plus en douceur. Il a dit, voilà, il a rencontré les joueurs, il a beaucoup discuté avec eux, ce qu'avait fait aussi Emery d'ailleurs, hein, avant de venir à Paris, mais il a trouvé la bonne méthode, les bons mots. Il a réussi à les prendre, on va dire, à leur apporter tout ce qu'il voulait, à les convaincre de le suivre. Ce que n'a pas réussi à faire Unai Emery, et elle est là toute la différence, c'est qu'on a l'équipe qui est soudée, oui, entre eux, ça a toujours été le cas, mais en plus, maintenant, on intègre le coach avec. Et ça, c'est super important. Il y a un homme, alors en tout cas, qui n'a pas joué, c'est Neymar qui symbolise tout ça, bah et oui. qui adore Tuchel. On le voit à chaque fois lui faire des câlins, des petits bisous. Il a dit même un chouchou. Il l'a dit même à son interview. Il dit ce coach est un génie. Il le dit en interview. Mais c'était déjà le cas à Dortmund. Même si à Dortmund, ça s'est mal fini avec les dirigeants, Tuchel était déjà présenté comme un génie à Dortmund. Et cela se poursuit en fait avec un effectif un petit peu plus pléthorique, on va dire, qu'au Borussia. Et justement, l'effectif pléthorique était un petit peu amputé de trois de très bons joueurs. Thomas Meunier, commotion cérébrale. cérébral pardon, face à Bordeaux. Cavani qui se blesse sur le pénalty qu'il marque justement aussi contre le club des Girondins. Et Neymar, donc on en parlait, son métatarse toujours douloureux. D'ailleurs, on l'a vu sauter de joie. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos. Il a cloché. Je vous invite les auditeurs à regarder les vidéos. Il saute de joie sur les buts. Et ça change du fait de la vidéo où il était sur un célèbre site de poker pendant le match de Paris quand il était blessé l'année dernière. C'est ce qu'on disait, c'est radicalement différent. L'implication de Neymar cette année. Puis je pense que son faux départ aussi, toutes les histoires autour de son départ l'an dernier, avec après la blessure, toutes les critiques qu'il a reçues pendant la Coupe du Monde, ça lui a permis aussi de se remettre un peu en question. Je pense que c'est pas seulement Tuchel. Bien sûr, il est pour énormément de choses, hein, Thomas Tuchel, dans son lien avec Neymar. Mais je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça. Et puis Neymar était injustement le symbole de ce PSG qui n'a pas d'âme, selon certains. Oh, ça, c'était le cas de cette âme qui avait disparu depuis longtemps. Et aujourd'hui, il y a une âme dans cette équipe. Une âme qui était un petit peu perdue sur le terrain. Il faut le dire, hein, c'était à moitié faux ce qu'il disait, mais il y avait quand même une âme qui était un peu perdue et on sent qu'elle est pleinement retrouvée aujourd'hui. C'est ça, il y avait des joueurs qui se battaient pas en fait, c'était tout simplement ça. Et donc malgré les absents, je le disais, est-ce qu'on s'attendait à ce niveau de jeu? En tout cas pour Kylian Mbappé, il faut arrêter d'avoir peur. J'ai envie de dire qu'il faut qu'on arrête de vendre la peur. Je pense que les gens doivent arrêter d'avoir peur. On est bon. On est bon, c'est ce qu'il dit. On est bon et là même sans justement parce que avant le match, Manchester United qui était en grande forme, 11 matchs sans défaite. Le PSG un petit peu plus douloureux avec la défaite face à Lyon, la défaite inaugurale, tu l'as dit Johan, avec contre Guingamp. Est-ce que justement on pense aussi à la remontada, mais on en reparlera, où les journaux vendaient la peur, c'est ce que veut dire Kylian Mbappé, justement cette peur elle est plus là et Mbappé, on sent la confiance en fait dans l'équipe. C'est là en fait qu'on peut parler de surprise. En fait, on n'est pas spécialement surpris que Paris s'impose à Manchester. On savait que Paris, même sans Neymar, même sans Cavani, était quand même globalement supérieur à Manchester. Pas serein quand même. Certains n'étaient pas sereins, mais par exemple, on a fait une émission, on en parlait juste avant. Ah oui, bien sûr. Et vous étiez quand même tous globalement d'accord pour dire que Paris était quand même supérieur. Ah, en revanche, il y avait quelque chose qu'on avait pointé, c'était l'intensité qui sera mise par Manchester. Et cette intensité n'a jamais été mise. Elle a été mise par Paris. Oui, elle a été mise au début. À peine. Pogba fait son double contact sur Kimpembe et plus rien derrière. Ah oui, non, mais je parle du pressing. Paris s'est amusé. Paris s'est vraiment amusé sans être péjoratif avec Manchester. Paris s'est amusé sur le terrain. Paris avait la maîtrise totale. Même s'il y a eu une première période vraiment différente de la seconde, où on a senti une vraie domination, on sentait quand même que Paris donnait le ton en première période. Quand Paris avait la balle, c'est eux qui décidaient de l'intensité du match. Et ça, c'est impressionnant. Ouais. Mais là, en fait, il y a eu 10 premières minutes où Paris a été vraiment complètement acculé par Manchester. Comme d'habitude avec Paris. Et puis, dans cette émission qu'on a fait juste avant, on se posait la question, et Cavani n'est pas là, qui va amener cette grinta qui va manquer. Il y a un joueur qu'on avait oublié, c'est Dani Alves. Exactement. Dani Alves qui a été le symbole justement qui a emmené l'équipe. Et c'est lui qui est à l'origine de la première récupération sur un dégagement manqué de De Gea, parce qu'il va presser jusqu'à De Gea, Dani Alves. Et c'est là qu'on se dit, ok, là ils vont le mettre, le pressing, là ils vont la mettre l'intensité. Et ça a été... À partir de cette action-là, Paris a commencé à jouer son match. Et c'est là également, on peut dire bravo à Tuchel, parce qu'on sait que Paris a une tendance à très très bien attaquer. Et derrière, quand il faut savoir défendre, on défend. Surtout cette fois, ça s'est inversé. Ça s'est inversé. Il faut savoir bien défendre et derrière, attaquer comme il faut. Tuchel a totalement inversé son style de jeu. Et finalement, ça a totalement pris. Parce qu'on peut dire que Paris a clairement pris Manchester finalement à son propre jeu. Et Manchester, pour le coup, n'a pas totalement su gérer. Comme tu dis, il y a eu un bon quart d'heure. Et en fait, depuis, plus les minutes avançaient, plus c'était le déclin total pour United. Il y a un joueur qui symbolise ça, c'est Marquinhos. Ouais. Marquinhos qui a fait un match énorme, on l'écoutera après la petite pause musicale, mais Marquis qui a fait un match énorme, il y a la grinta de Di Maria aussi, et il y a des joueurs en fait qui sont métamorphosés. Je dirais pas métamorphosés, je dirais sublimés en fait, plutôt, pour être plus précis. Je pense à Di Maria, c'est marrant parce que comme Telly Yon, on regardait le match ensemble, et au moment où Young le pousse et provoque un petit peu cette action, il aurait pu se blesser, ça aurait peut-être dû voler un rouge, aurait fait importe. Mais en tout cas, on a dit avec Yon, il va l'énerver. C'est pas bien. Et Di Maria, après, il nous sort une deuxième partie de match stratosphérique, alors qu'il était un peu en difficulté au début. Là-dessus, je suis totalement d'accord. Par contre, je suis d'accord avec le terme métamorphosé pour Dani Alves. Ah ben oui, non, mais là c'est pas sublimé. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Dani Alves comme ça. On a tous été surpris de ce niveau de jeu. Ça faisait peur, justement, ce qu'on disait avec l'intensité. Il va se faire manger. Et pas du tout. Il s'est amusé. Mais c'est le mot que je dis, mais amusé. on a senti de l'amusement, on a senti du plaisir à jouer comme ça. Di Maria, c'est totalement sublimé, mais Di Maria, c'est une demi-surprise. On sait, tant il a tendance à se sublimer. Et Kerrer aussi. Lors des grands matchs, Kerrer a été exceptionnel. Verratti. Verratti, il lui manquait un dos de ses deux cuisses, 12 orteils. Vous savez quoi, les gars ? Tous ces joueurs-là, on va en reparler. On va faire une petite pause musicale et on en reparle juste après. On détaille tous les joueurs et tout ce qu'ils ont fait de bien. Les titulaires sur Studek Web. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con, tout petit tellement je suis un grand petit con. Je vous passe devant, j'étais là avant vous. Vous ne m'aviez pas vu. Je n'ai pas une minute à moi ni à personne. Je suis mon propre but. Au grand petit con. Quand je vois dans tes yeux d'enfant que je deviens con. De la grande illusion, à volonté c'est l'or. Transformé en passion, qui n'oublie pas la voix lumineuse des anges, celle qui te dit tout bas. Prends l'amour sans échange, donne-le sans recevoir. Aime du matin au soir, et surtout n'oublie pas. Quand petit con c'est toi, quand petit con c'est moi. Grand petit con de M, extrait du nouvel album Les Titulaires, ça continue. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et il est 18h45 tout pile et je suis toujours avec Antoine Ballet et Johan Guillon. On parlait de Manchester United, de Paris Saint-Germain, 2-0 pour les Parisiens. Et il y avait un joueur qui s'est exprimé, un joueur qui a fait un très très gros match, qui a peut-être trouvé un nouveau poste tout simplement et peut-être le meilleur du monde. Ouais, je m'enflamme un petit peu, c'est Marquinhos. C'était une performance énorme. Quand mon équipe joue comme ça, j'ai dit au vestiaire, je les aime qu'on joue comme ça, avec le caractère, avec la bonne mentalité. Et il n'y a pas eu une personne qui n'a pas couru, qui n'a pas donné à 100%. Le discours, ça a été ça. Ben c'est ça, le discours de Thomas Tuchel, c'est ce dont faisait référence Marquinhos. Tout le monde défend ensemble. Même Mbappé en fait coupe les premières lignes de passe. Di Maria, Alves font les pressings. Et ça change tout dans une équipe. Bah oui, mais... On le sait, Tuchel, depuis le début, depuis qu'il est là, sur chacun des matchs, il demande intensité. Je crois que les deux mots qu'il répète le plus, c'est top et intensité. Top, top beaucoup. Top beaucoup. Mais du coup, c'est un symbole, en fait. Et ce qu'on note avec ce PSG-là, et ce qui marche très bien avec Tourelle, ce qui marchait moins avec Emery, c'est qu'il a la même exigence que ce soit contre Guingamp, contre Villefranche ou contre Manchester United. Et du coup, ces automatismes de pressing, alors bien sûr, ils sont 12 fois plus forts en Ligue des Champions parce qu'il y a l'événement, parce que c'est le match, mais on les voit aussi en Ligue 1, on les voit aussi en Coupe de France, on les a vus aussi en Coupe de la Ligue, sauf contre Guingamp. Bizarrement, on a perdu. Faut faire un petit peu attention à ça quand même, même si tu as sorti le parfait exemple avec Guingamp. Faut faire un petit peu attention à ça, c'est une culture un petit peu à l'anglaise, là j'ai envie de dire, jouer tous les matchs à fond. Et pour le coup, on a vu que les clubs anglais se sont beaucoup cramés en fin de saison. Il y a un club qui jouait également beaucoup comme ça, c'était l'Atlético et l'Athletic Bilbao et l'Olympique de Marseille de Marcelo Bielsa. Ah oui, mais où ils ont fini cuits également. On en a plusieurs. Liverpool actuellement qui joue tous ces matchs comme ça a marqué un petit peu le pas, un peu comme Paris en janvier. Il peut y avoir des contre-coups et ça arrive souvent en fin de saison. C'est là où Tourelle devra parfois faire preuve d'un peu plus de pragmatisme. Mais bon, il y a des joueurs, Marquinhos aussi s'exprimer. Le Marquis est devenu roi. C'est beau. Il a régné sur ce milieu de terrain. Fin d'émission. Merci. Mais écoutez, c'est la fin des titres. Non, mais Marquis a régné sur le milieu de terrain. On avait beaucoup de doutes quant à sa position au milieu, justement, en jouant le 6, en fait. En jouant le milieu défensif aux côtés de Marco Verratti. Au début de saison, en plus, on ne voulait pas le voir comme ça. Alors là, je veux vraiment pas m'emballer, mais si Marquinhos garde ce niveau-là, ou justement se perfectionne à ce niveau-là, aux côtés de Verratti, ça sera le meilleur milieu de terrain du monde. Ah bah là, ça sera compliqué de faire mieux que ça. Parce que le duo Verratti-Marquinhos qu'on a vu mardi soir, je pense qu'il n'y a quasiment aucune attaque qui passe. Surtout quand derrière, tu as un Kerrer autant en forme, un Thiago Silva toujours aussi monstrueux dans les airs. Thiago Silva dans les airs a été incroyable. C'est vrai qu'il est... Ça ne passait pas. Il ne veut pas. C'est un pompier. C'est assez impressionnant. C'est Roten qui disait pendant le match, il attire les ballons. Et c'est exactement ça. Il attire les ballons, il est bon. Puis il y a également ce facteur Gianluigi Buffon. Il apporte une sérénité dans cette défense. Gianluigi, même quand il n'a quasiment rien à faire, il est serein, il est souriant, il a 41 ans, tout va bien, c'est génial. Puis dans le vestiaire aussi, Buffon, j'imagine qu'il est ultra important, il a cette expérience de la Ligue des Champions. Ah mais totalement. Et des joueurs comme Buffon, comme Dani Alves aussi, même comme Neymar. Comme Thiago Silva, il en faut. Là, en fait, l'osmose est parfaite entre la fougue de la jeunesse, pour beaucoup de joueurs finalement, et à côté l'expérience totale des plus anciens, c'est fantastique. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure, André Di Maria qui revenait. Ça faisait combien de temps ? 3 ans et demi qu'il était parti de Manchester United. Il était parti dans de sales conditions. Un des joueurs les plus chers recrutés par le club à l'époque. Le plus cher, Le plus cher même. Arraché au PSG d'ailleurs. Il était tout proche de signer à Paris. Il avait finalement choisi Manchester. Qui a fait une seule saison. Qui a fait 5 buts et 12 passes décisives, il me semble. En peu de matchs en plus, il me semble. C'est sous-estimé cette saison. En peu de matchs. Manchester, mais il a laissé une très mauvaise impression là-bas. C'est ça, l'impression d'un joueur qui ne se battait pas, qui ne travaillait pas. Et finalement, il aura bien rendu l'appareil. Ah bah on va pas se mentir, on l'a vu aussi ce dimanche. On l'a vu à Paris. Il travaille pas, mais c'est vrai que cette saison, il est transfiguré et on était tous sûrs qu'en revenant à Old Trafford, il voudrait prendre sa revanche. Il avait déjà fait le même coup en revenant à Bernabeu. C'était pas forcément une revanche, mais il voulait briller. Il voulait montrer à son ancien club, regardez, parce qu'il était aussi un peu parti dans des conditions un peu déplorables. À Madrid, c'était déjà le cas également. À Madrid, il y avait deux Di Maria. Il y avait le Di Maria qui était un petit peu nonchalant et qui parfois on avait même l'impression qu'il n'en avait rien à foutre, on peut le dire clairement. Et à côté, on avait le Di Maria en mode Coupe du Monde, en mode Ligue des Champions, en mode gros match. Dès qu'il y avait un gros match, Di Maria était exceptionnel. Di Maria, par exemple, lors de la Coupe du Monde 2014, le parcours de l'Argentine, c'est Di Maria. Messi fait une énorme phase de poule, mais les huitièmes, quart et demi, c'est Di Maria. C'était assez exceptionnel. Di Maria, il aime les gros matchs. Après... Et là, si en plus... ce gros match est dans un ancien club avec lequel ça s'est mal fini, qui se prend 2-3 taquets par-ci par-là, qu'on se moque un petit peu de lui. Un gros taquet aussi. un gros taquet. On lui balance une bouteille en verre de bière. Qu'il avait bien envie de boire. Il boit la pression, Di Maria. Par contre, le seul petit bémol pour Di Maria, c'est qu'il pourrait être sanctionné par l'UEFA. Alors pour l'instant, rien n'est fait. Mais suite à ces quelques mots fleuris qu'il a balancés en direction des tribunes après le but de Kimpembe, la commission d'éthique de l'UEFA pourrait être saisie. Suspension pour ça, c'est possible. Des insultes envers les supporters, envers les coéquipiers, envers l'arbitre et même envers parfois ses propres partenaires. Mais enlever tout le monde, enlever les supporters, on fait un match à huis clos. Mais moi, j'organise un, J'organise un Ici les Moulineaux Bois d'Arcy là tout de suite, il n'y a pas de souci. Donc Di Maria qui nous a impressionné. On parlait de Marquinhos, et Marquinhos, il a éteint la pioche. Paul Pogba, ah, un des meilleurs joueurs, je pense, de ce début de saison, même dans le monde entier. Il est resté sur je ne sais plus combien de buts, je crois que c'est 9 buts et 5 passes dé. 8 buts et 5 passes dé. 5 passes décisives en 9 matchs. Ouais, en 9 matchs, exactement. C'est ça. Et là, Pogba, on ne l'a pas vu. Alors, Pogba, il vous a déçu, vous? Moyennement. À ce point-là. Alors, moyennement. Moi, je pense que Pogba, il a fait quand même globalement un bon match dans ce qu'il avait. Ah, il a fait 2-3 déboulés côté gauche qui étaient assez impressionnants. Côté droit aussi. Il a côté droit fait ce petit double contact devant Kimpembe qui est passé. J'ai tellement peur qu'il le fauche à ce moment-là. Qui était magnifique. Il a récupéré quelques ballons, mine de rien. Ouais. C'était pas exceptionnel, mais à la récupération, il était quand même là. En fait, j'ai l'impression que c'était un petit peu le seul, finalement. Le capitaine abandonné, c'est ça. Technique abandonné. Capitaine abandonné qui abandonne son équipe parce qu'il prend un deuxième jaune. Et qui, à la fin, prend. Mais je sais pas si vous avez remarqué, ça s'unit souvent comme ça. Souvent, celui qui cavale un petit peu trop dans l'équipe, le seul qui est à peu près au niveau, qui fait ce qu'il peut, finit souvent par se prendre un rouge. La frustration. Par frustration, en fait. Mais Pogba, en fait, n'a pas été aussi mauvais. Par contre, je pense que Pogba ne s'attendait pas à se faire autant éteindre par Marquinhos. Ah bah là, ouais. Marquinhos, mais personne ne l'a vu venir. Ouais. Il est une tique sur lui. Ah, mais c'est Marquinhos. C'est Marquinhos qui était surtout à la charge de Pogba. En fait, c'est et Marquinhos ne l'a pas laissé respirer. D'ailleurs, les seules fois où il l'a laissé respirer, Pogba passait. Mais dès que Marquinhos reprenait tout de suite son rôle de... On va dire une sorte de... C'était pas un marquage à la culotte, mais presque. Ah si, c'était ça. Marquinhos, c'était un individuel. Pas tout le temps. Pogba avait quand même certaines libertés, mais quand il est parti à droite, il était peut-être contraint de descendre. Voilà, on va peut-être plutôt partir. J'ai dit, tu m'as fait mentir. Je te laisse la parole. Ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est vraiment le duo Marquinhos-Verratti, parce qu'on a Marquinhos qu'on a beaucoup vu parce qu'il est sur Pogba, il a été énorme, il a très bien fait. Mais à côté, quand t'as Marquinhos qui contient, il y a Verratti qui coupe les lignes de passe. Et ça, c'est aussi important de ne pas laisser Pogba se libérer. Exactement. Puis dans la première relance, il était parfaitement. Mais après Verratti. Ah, Verratti dans la première relance, c'est du caviar. Je sais que là, on a l'impression que je m'emballe. Si vous nous rejoignez, vous avez peut-être l'impression que je m'emballe. Mais regardez le match. Mais sincèrement, c'est depuis l'ère Qatari, ce match fait partie des trois plus beaux matchs du PSG version Qatari. Clairement. En termes de niveau de jeu, ça fait clairement partie des trois plus beaux matchs du PSG depuis quasiment 10 ans. Et s'en est marré. C'était très très emballant. Alors oui, comme dit Yoann, il y a le spectre de la remontada, ce qui fait qu'on a toujours un petit peu peur, mais franchement ce match était totalement convaincant, et ce milieu de terrain, si il persiste et signe, ça sera fantastique à regarder. Il ne faut pas oublier Mbappé aussi. Mbappé qui a fait un grand match. Il a tenu son rôle. Il a eu un peu de mal au début, c'est-à-dire qu'il a fait comme d'habitude au début, il décrochait beaucoup alors que c'est pas ce que lui demandait ce rôle-là. Et je pense qu'il a été recadré à la mi-temps. Il a dit d'ailleurs à la fin du match, même lui, il a avoué, il a dit ouais, je décrochais beaucoup. Le coach m'avait dit, je vais toucher moins de ballons, il faut que je décroche moins, il faut que je sois à la première ligne d'attaque. Il a quand même eu quelques spectres au début du match. Et après, il est revenu et boulet de canon, et il finit en profondeur. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que Emu a été ultra décevant. On ne s'attendait pas à un aussi faible Manchester United. Herrera a quand même dit, Paris n'était pas meilleur que nous. Ça sent la Courtois, ça. Je le sens là, en première ligne. Paris n'était pas meilleur que nous. Ouais. Non, Paris a plus frappé au but, Paris a dominé la deuxième période. Non, mais c'est pas grave. La frustration, c'est la frustration. C'est vrai. Et puis on peut se rappeler aussi la fin de match qui est incroyable, où Paris fait tourner la balle et les supporters qui font des olé olé, qui chantent, et on n'entend plus que les supporters parisiens dans Old Trafford. Il y a 1 minute 45 de possession pour Paris, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Old Trafford est surnommé le théâtre des rêves, mais on a tendance à oublier que c'est également un théâtre vachement silencieux quand même. C'est un théâtre. Et Johan, tu parlais de la remontada, et c'est dans les têtes, notamment d'un certain joueur, Draxler. On sait aussi, c'est pas fini, on a joué ici, on a gagné, ça c'est déjà très très bien, et on va finir ça au parc. Il faut finir ça au parc parce que Draxler a vécu cette remontada, et il avait marqué, notamment lors du 4-0, et il jouait quand il y a eu 6-1. Est-ce qu'on peut avoir peur d'une nouvelle remontada, cette fois du côté de Manchester United? Alors là, je pense que moins qu'avant. Après, ça dépendra également du rôle, il faut le dire, des médias. Parce que la remontada, c'est quand même quelque chose qui était quasiment acté d'avance. Tant les médias en ont parlé plutôt que de parler d'une qualification logique de Paris. Moi, je pense que ça n'arrivera pas pour trois raisons. La première, c'est que déjà, c'est déjà arrivé. Donc, ils vont être beaucoup plus prudents. La deuxième, c'est que c'est au Parc des Princes. Et ça va beaucoup changer de choses. Et la troisième, c'est que Thomas Tuchel ne diffuse pas les mêmes ondes qu'Unai Emery, qui, sans le vouloir, même par son langage corporel, diffuse un peu de peur, d'inquiétude, de stress. Tuchel, c'est plus de la colère quand il n'est pas content, mais sinon, c'est calme. Donc, pour moi, ça n'arrivera pas. Donc, du côté des titulaires, on est assez confiants. Il y avait un autre match ce soir. Ce soir-là, c'était mardi. AS Rome Porto et Rome qui a gagné 2-1. Donc, un bon petit résultat. Mais attention au match, match à l'extérieur. Super match d'Edin Dzeko, qui est vraiment une réussite à Rome. Qui est très, très fort, Edin Dzeko. On fait une petite pause, 30 secondes, et on se retrouve pour parler de Tottenham. Les titulaires sur Studek Web. Écoute ta web radio préférée. Envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien. Avec Voxem, donne ta réponse au jeu. Participe au débat et lâche ta dédicace. Lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et on a conclu la page PSG. Il y a un autre club hier soir qui a pris une belle option pour la qualification en quart de finale. C'est Tottenham qui s'est imposé 3-0 face à Dortmund à domicile. Alors, est-ce que c'est une surprise, messieurs? Non. Non, non, non, non. Le 3-0 n'est pas une surprise. Non, je ne suis absolument pas surpris par le 3-0. J'en avais déjà parlé et je reprends un risque en parlant d'un match qui n'a pas encore eu lieu. Je vois Dortmund et Liverpool lâcher la Ligue des Champions pour se concentrer sur le championnat. Et je pense que Dortmund ne s'est pas réellement donné à fond. Tu as dit Liverpool, mais c'est Tottenham. Oui, il parle de Liverpool. Liverpool en première ligue lâchera la Ligue des Champions contre le Bayern. Et je voyais déjà Dortmund lâcher cette Ligue des Champions contre Tottenham. Parce que l'opportunité qu'ils auront pour remporter le championnat se présentera très très rarement. Et pour le coup, Tottenham en ce moment est porté par un Heung-Minson, mais tellement exceptionnel également. C'est... Ouais. Depuis, on savait qu'il y avait l'affaire il y a quelques mois, Heung-Minson qui devait éventuellement faire son service militaire en Corée s'il ne gagnait pas les Jeux Asiatiques. Ouais. Et quand il l'a gagné, depuis, on sent qu'il est totalement libéré. Il a franchi un palier très rapidement et avec un Heung-Minson comme ça, en connaissant l'effectif de Tottenham, ça pourrait être un outsider, une belle surprise en tout cas pour l'éventuelle victoire finale. Ouais, c'est vrai que puis en plus à Dortmund, il y avait beaucoup d'absents. Il y avait Reus qui était absent, Weigl était absent, il y avait il manquait Piszczek également, il y avait quand même un groupe qui même si c'est pas sur le terrain, c'est quand même un groupe complet Dortmund, et là il y avait beaucoup d'absents, donc je pense que ils ont tout simplement pas su répondre en fait aux défis imposés par Tottenham. C'est une équipe qui est capable d'endormir très facilement une équipe. Dortmund lâche du lest même en championnat en ce moment, hein, ça va pas, hein. Dortmund n'a plus que 5 points d'avance sur le Bayern. Ils en avaient jusqu'à 9, je crois, pendant un moment. Dortmund, en ce moment, il y a un petit coup de moins bien qui correspond un petit peu au petit coup de moins bien de Liverpool. Ces équipes qui se donnent un fond, comme celui du PSG au mois de janvier. Mais forcément, avec un effectif un peu moindre, et ce coup de moins bien se ressent plus. Donc, victoire très logique de Tottenham. Vraiment pas surpris là-dessus. Et donc, pour le match retour, vous y croyez pas trop à une victoire de Dortmund qui pourrait remonter? Oh, on vient de l'apprendre. Je veux le faire, Johan, s'il te plaît. Petite info. Fais comme si tu parlais. Ah. Donc, bah, retour Dortmund, vous y croyez parce que... Et l'ouverture du score du Stade Rennais. Il l'a fait. Le signe du bet, tu me mets ce bet. Et l'ouverture du score du Stade Rennais. Et oui, nous sommes à la 7ème minute, minute à laquelle n'a pas marqué Unou parce qu'il a marqué à la 2ème minute. Les titulaires ont 5 minutes de retard, Rennes mène 1-0 devant le Betis Séville. Et ben voilà, c'est super ça pour les clubs français, 1-0 face au Betis Séville. Rennes, qui est le buteur? Unou. C'est Unou qui est là. Et on parlait de Dortmund, on va clore cette page. On va faire une petite pause, un petit top H et on reprend. Tous vos tubes préférés sont sur Studek Web. Studek Web, il est 19h et c'est toujours les titulaires. Les titulaires avec Johan Bredov sur Studek Web. Et on continue à parler Ligue des Champions avant de revenir sur la Ligue Europa et Rennes qui mène 1-0 face au Betis Séville. Et on va parler d'un match qui a beaucoup fait parler, l'Ajax d'Amsterdam face au Real Madrid. Et le Real qui s'en sort très très très très bien. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Déjà, cette équipe de l'Ajax, c'est un modèle de football. Pour ceux qui ont vu le match, qu'est-ce que c'est agréable à regarder. Je pense qu'en termes de qualité de jeu, on vante justement beaucoup le football champagne de Dortmund ou de Liverpool, et à juste titre. Mais en termes de qualité tactique, ajoutée à cette technique sublimée, franchement, c'est l'Ajax, c'est quelque chose. C'est quelque chose à regarder. Non, justement, c'était le cas avec l'époque Johan Cruyff. Pardon, c'était le cas. On a connu le beau jeu de l'Ajax, mais qui avait un petit peu disparu au fur et à mesure des années. Et là, on sent vraiment ce renouveau de l'Ajax qui fait plaisir à regarder. Par contre, en face, c'est la chirurgie. C'est la chirurgie totale. C'est réussite chirurgicale. Alors, le Real a beaucoup cadré. Ils ont peu tiré, mais ils ont cadré quasiment tous leurs tirs. Mais ces deux buts un petit peu venus de nulle part. Un premier de Vinicius qui fait un travail exceptionnel et qui la donne à Benzema, qui la fout en pleine lucarne. Et ce deuxième but où on l'a sorti de... La sortie du gardien Onana. Oui, c'est Onana. Je voulais être sûr. Onana. D'accord, Johan. Voilà, merci. Je vais conclure là-dessus. La sortie d'Onana n'était pas bonne. Et voilà, mais l'Ajax se crée des occasions à n'en plus finir. La première période était à sens unique. Littéralement, s'il y a 3-0 à la mi-temps pour l'Ajax, c'est la même période. Ouais, c'est ça. Donc, mais il y en a un qui est en pleine confiance, qui n'a pas fait un grand match selon lui, c'est Karim Benzema. Mais qui est quand même à 60 buts en Ligue des Champions. C'est le troisième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Quatrième, d'ailleurs. Il est derrière Messi, Ronaldo et Van Nistelrooy. À chaque fois que Benzema marquera un but, ça relancera le débat. Ouais, exactement. Messi, Benzema, c'est un petit peu l'éternel débat, c'est dommage. Mais c'est un des meilleurs attaquants d'Europe. Il est dans le top 5, je pense, depuis une bonne décennie. Voilà. Sans pour autant être le plus en vue ou peut-être le meilleur. En tout cas, il fait partie des meilleurs et il l'a prouvé encore. Après le Real, on connaît, hein. C'est savoir faire le dos rond et attaquer là où ça fait mal. Et c'est encore ce qu'ils ont fait hier soir. Il y a Vinicius aussi. Vinicius, t'en parlais, Johan, qui a fait la passe décisive après un beau débordement côté gauche, qui fait la passe décisive pour Karim Benzema. Que penser de ce joueur? On en entend peu parler, nous, en France, mais c'est une pépite. C'est une pépite, mais qui me fait penser un petit peu à plusieurs pépites. Si on peut comparer Vinicius avec un joueur en France, il me fait penser à Ismaël Assar. Joueur hyper technique, hyper rapide, mais qui, une fois devant le but, souvent a ce petit manque de réussite ou alors fait souvent le geste de trop après avoir réalisé un ou deux dribbles. Ce joueur, en fait, qu'on peut perfectionner, à la seule différence que Sarr a 22 ans, je crois, et Vinicius 18, donc il y a déjà 4 ans d'écart entre les deux. Mais pour le coup, c'est quand même ce joueur qui est encore brouillon. Je le trouve brouillon, mais brouillon dans le bon sens. Dis, lorsqu'il ne le sera plus, Ça va être très très compliqué pour les défenses adverses. Mais bon, il a déjà, pour un joueur qui était réputé individualiste, je crois que c'est le meilleur passeur du Real, toute compétition confondue, avec 8 passes. Donc il prouve déjà qu'il sait jouer en équipe. Non, puis c'est un joueur brouillon, mais brouillon au niveau Real Madrid, quoi. C'est un joueur qui marcherait sur la Ligue 1, qui marcherait sur les petits championnats, qui devait certainement s'éclater beaucoup au Brésil. Parce que voilà, c'est ce genre de joueur que tu te dis, mais. Ça peut être dans 3-4 ans, ça peut être une... Je pense que d'ici quelques années, on aura un duel avec Neymar qui chapeaute un peu tout, mais tu auras Neymar, Mbappé et Vinicius. Je pense qu'il va être parmi les trois meilleurs joueurs. Je ne m'avancerai pas comme ça. Il y a beaucoup de joueurs il y a beaucoup de joueurs qu'on a annoncés comme ça. Au Real, il y en a eu tellement d'ailleurs. Mais ça peut être de cette trempe-là. Ça peut être de cette trempe-là, oui, totalement. Il a toutes les qualités, en tout cas, pour faire partie des meilleurs joueurs du monde, ça, c'est sûr. En tout cas, il y a eu un fait de jeu dans ce match. C'est un but refusé pour l'Ajax d'Amsterdam à cause ou grâce au VAR. Vous en pensez quoi? Parce que ça fait débat. Hein. C'est un hors-jeu passif où Courtois semble avoir loupé sa sortie. Vous en pensez quoi de ce fait de jeu? Pour moi, ce n'est pas un hors-jeu, c'est une obstruction. C'est une obstruction. Pour moi, c'est ça qui est sifflé. Parce que sinon, y a jamais... j'ai regardé 5-6 fois la vidéo pour être sûr. Il n'y a pas du tout hors-jeu à aucun moment. Même passif, actif, rien du tout. Le joueur de l'Ajax n'est pas hors-jeu. C'est le hors-jeu qui est sifflé. C'est le hors-jeu passif en disant que le joueur de l'Ajax gêne Courtois. Et dans ce cas-là, c'est une erreur parce qu'il est couvert. Là, il est couvert. Dans ce cas-là, c'est une erreur. Par contre, si on peut dire qu'il gêne la sortie de Courtois, là oui, pour moi, il y a une obstruction. Il empêche Courtois de sauter pour aller saisir du ballon. Donc dans ce cas-là, pour moi, c'est logique que le but soit refusé. Mais par contre, s'il a été refusé pour hors-jeu, ce n'est pas la bonne raison. C'est compliqué à juger. Je trouve que c'est là le charme du football, on peut dire, d'un côté, mais ce but est très difficile à juger. Courtois est gêné au moment de sa sortie. En revanche, le mouvement du joueur de l'Ajax envers Courtois n'est pas énorme. C'est un peu Courtois qui vient s'empêtrer il se retourne, mais il se retourne sans vraiment foncer dedans. Et en fait, Courtois mais il le gêne, rentre. Le fait est qu'il dedans. Le gêne quand même pour sa sortie. Pour moi, c'est faute. Le fait est qu'il le gêne. Le fait est que je pense que dans. Alors, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais dans l'esprit, pour moi, ce but ne se refuse pas. C'est un but qui, pour moi, ne se refuse pas. Mais peu importe de quel côté tu le siffles ou non, c'est un but qui, dans l'esprit, pour moi, ne se refuse pas. Maintenant, c'était pas non plus. Comme certains peuvent le dire, une honte soit refusée. Là-dessus, je suis pas d'accord. Ouais, c'est pas une honte. En tout cas, l'Ajax qui a fait un gros match, est-ce qu'ils peuvent le faire au Bernabeu? Parce qu'on les a vus face au Bayern Munich, ils étaient très bons. Est-ce qu'ils peuvent le faire en Espagne? On a justement un commentaire de Stéphane sur Voxem. Vous pouvez d'ailleurs envoyer vos commentaires sur Voxem, qui nous dit que l'Ajax à l'extérieur est très très forte. Elle joue presque comme à la maison et que du coup, c'est possible. Mais ils jouent sans pression. L'équipe est tellement jeune qu'il n'y a pas de pression, en fait. Oui, c'est ça. Après, c'est sûr que... Alors, l'Ajax peut le faire, oui. Concrètement, oui. Après, il ne faut pas oublier que l'expérience du Real peut faire la différence. On se disait aussi avec Paris, Paris peut le faire. Au retour, au Parc des Princes, Paris pouvait le faire. Marquer deux buts, c'était le cas. Mais ils sont tombés dans le piège du Real. Et une équipe aussi jeune, aussi expérimentée, pour moi, peut aussi tomber dans ce piège. Après, il y a un facteur qui peut tout changer. C'est Frenkie de Jong. Parce que ce joueur appartient au Barça et peut-être qu'il va déjà avoir envie pour se faire aimer des Catalans. Le meilleur moyen serait de faire un gros match en plus, à Bernabéu. Depuis son transfert, De Jong est un petit peu moins bon. Avec l'Ajax, il marque le pas un petit peu. Il a du mal à digérer ce transfert. Là, le meilleur moyen de se faire aimer directement des supporters catalans serait de faire un gros match au Bernabéu. Bon, lui, c'est le meilleur à De Jong. Du coup, pour cette fin de carrière à l'Ajax, on passe, on fait une petite pause musicale et on parle de la Ligue avant Europa cette avec pause musicale. Juste avant, justement, on va le dire après la pause musicale. Une bonne nouvelle du côté des Français. Les titulaires sur StudecWeb. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. When we hit the bottom, nothing gonna stop us. Climb to the top and you know. We could be the greatest ones who never made it. Yeah, I could be talking to you. They tryna hate, but we won't change. Must be Jonas Blue Rise, les titulaires, c'est tout de suite. Les titulaires, avec Johan Bredov, sur Studek Web. Et c'est la fin de cette Ligue des Champions, on en reparlera la semaine prochaine, mais on va parler Ligue Europa et Johan, t'as une bonne nouvelle pour nous. But de Rennes 2-0, Javi Garcia contre son camp. Ouais, il est triste parce que je ne l'ai pas laissé dire avant la pause. Mais ouais. avant de parler de la Ligue Europa, Antoine Ballet avait un petit coup de gueule. Un petit coup de cœur, coup de gueule ? Contre ceux qui critiquent les arbitres encore ? Non, cette fois non. Parce que bon, vous le savez, je pense que vous l'avez vu, depuis que le PSG a pris une importance sur la scène européenne, à chaque poste du club parisien sur les réseaux sociaux pour indiquer une victoire, donc en Ligue 1, en Coupe de France, n'importe où, il y a toujours son lot d'Anglais, de Britanniques qui viennent dans les commentaires pour inscrire ce fameux Farmers League, donc Ligue des fermiers, soi-disant. Donc tout ça pour signaler c'est pour signaler très aimablement que le niveau de notre Ligue 1 frôle le sol comparé à l'énorme, la magistrale, la spectaculaire Première Ligue. Alors bon, on va passer le fait que le plus grand bassin agricole français c'est en Île-de-France, que donc le club le plus proche c'est le PSG. Bon, ça c'est un petit peu géographique et je pense pas que ça les intéresse. On va plutôt s'intéresser au football parce que cette année en Ligue des Champions, 5 confrontations entre clubs français et anglais. Alors oui, le PSG a perdu à Liverpool, mais depuis, victoire de Lyon à City, victoire de Paris contre Liverpool, nul entre Lyon et les Sky Blues, et la dernière en date, donc la victoire du PSG contre United. Et on peut aussi parler un peu avant ça de l'AS Monaco, qui avait gagné 3-1 contre City, et 2 fois 2-1 contre Tottenham en phase de poule. Une seule défaite, c'était à l'Etihad, bon, 5-3. Mais donc, si on remonte sur les 10 dernières confrontations, on a 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites à l'avantage de nos clubs français. Pas mal, la Farmers League. Incroyable, ça. Et puis bon, on peut dire que la Première Ligue est plus spectaculaire ? Pas tellement. 2,6 buts par match en moyenne pour nos voisins la saison dernière contre 2,7 en Ligue 1. Il y a plus de buts en Ligue 1. Et puis bon, il pourrait encore nous opposer que c'est vrai que Paris écrase l'adversité et tue le suspense de championnat. C'est vrai que bon, 13 points d'avance la saison dernière. Hein ? Ah bon, bah, on me rappelle que City avait 19 points d'avance l'an dernier. Qu'est-ce que t'as à dire sur ça, Johan ? Que lorsque la Première Ligue aura la même DNCG qu'en Farmers League, oui. On pourra rigoler tranquillement. Coucou Arsenal qui sera champion 27 fois d'affilée. Bah oui, parce que Arsenal est le seul club qui est dans le vert tous les ans. Et dans le vert, voilà. Voilà, c'est important de le dire. Allez, on va repasser club français et Rennes. Rennes qui mène 2-0 donc face au Betis Séville. Ravi Garcia contre son camp. Et Ravi Garcia contre son camp. Ravi Garcia, qui est un ancien joueur de... Manchester City, merci. Du Zenit Saint-Pétersbourg, du Real, il a été formé à la Castilla, mais il a été prêté à Osasuna, il est revenu à Madrid et après il est parti à Benfica où il a explosé. L'encyclopédie. Il m'a pris ma place. L'encyclopédie du sport, c'est Johan Guillet. Alors, Rennes-Betis-Séville, c'est une surprise là, de les voir à 2-0 Rennes, non ? T'en penses quoi, Antoine ? Alors, à 2-0 aussi tôt dans le match, oui, c'est une surprise. Après, de voir Rennes s'imposer, c'est vrai qu'on ne s'y attend pas spécialement en fait, parce que bon... le Betis Séville, c'est une équipe qui est en forme, c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui est plutôt... Bon, ils sont en difficulté là, cette saison en Liga, et donc on pouvait se dire qu'ils allaient essayer de tout mettre un peu sur l'Europa League, alors que Rennes, on connaît un petit peu malheureusement l'habitude de ce club en général à la balancer par la fenêtre. Cette fois, ils semblent avoir l'intention de la jouer sérieusement, et ça peut être intéressant parce que Rennes a une très bonne équipe. Donc s'ils arrivent à s'imposer là contre le Betis, ça serait déjà un message assez fort. S'ils arrivent à se qualifier en plus, pourquoi pas faire un petit parcours ? Johan. En fait, le match en lui-même n'est pas une surprise. C'est du 50-50, on le sait. Ce qui est une surprise, c'est de voir un club français qui a l'air de s'en sortir en Ligue Europa. Ouais. C'est un petit peu même la problématique française concernant cette Coupe d'Europe et même dans beaucoup de pays. Une Coupe d'Europe qui est totalement boycottée depuis sa refonte en 2009, il me semble. Voilà, c'est forcément plus ouverte aux petits clubs, aux clubs de l'Est. Donc forcément, plutôt boudé par les clubs d'Europe de l'Ouest, ce qui est dommage. Parce que Rennes, en soi, je ne vais pas dire qu'ils peuvent gagner la Ligue Europa, mais je pense que c'est un club qui peut se retrouver en quart de finale et selon un bon tirage au sort, peut se retrouver éventuellement en demi. C'est selon ce qui peut se passer. Voilà. Maintenant, effectivement, quand Rennes affrontera... si Rennes doit affronter un Naples ou un Arsenal, oui, on se doute bien qu'il risque de ne pas passer. Rennes, en tout cas, qui a mis son équipe type. Hein. Là, je l'ai sous les yeux. Koubek au goal. Traoré, plaisir, Da Silva, Mexer, Zéphane. Ça, c'est la défense de droite à gauche, oui. Grenier, Benjamin André en milieu défensif. Ounou, donc, ailier droit, buteur. Ismail Assar à gauche. En 10, Atem Benarfa qui revient très, très bien. Et Mbaye Niang en numéro 9. Non, c'est l'équipe type, hein, tout ouais. simplement. Rennes a envie de jouer cette Ligue Europa mais et c'est tant mieux. Et pareil du côté du Bétis, d'ailleurs, équipe type aussi. Équipe type Rennes, aussi de, Rennes fait partie de ces équipes qui, comme par exemple Saint-Etienne, ont réalisé un très bon mercato avec leurs moyens. Et même si les moyens de Rennes de base sont pléthoriques, mais on sait, comment ce club gère son argent. Mais en tout cas, excellent mercato, ça peut faire quelque chose. Moi, je ne suis pas surpris. Voilà, je ne suis pas surpris. Maintenant, à voir, est-ce que ça tient la route ? On peut parler de la jurisprudence Saint-Etienne FC Bâle il y a 3 ans où Saint-Etienne menait 2-0 et l'a finalement porté 3-2 pour se faire finalement éliminer au match retour. Et des clubs comme ça, je pense que Bordeaux, on peut citer des exemples. Ouais, mais ça, c'est le souci de Saint-Etienne, non, justement. Saint-Etienne mettait son équipe type, mais à ce moment-là, ouais. Mais voilà, on ne sait pas. On peut jamais savoir. En fait, on ne saura jamais. Voilà, si ça se trouve, il va y avoir 3-2 pour le Bétis à la fin du match. J'attends vraiment la fin d'une double confrontation pour dire bien joué. Voilà, toujours 2-0 donc pour Rennes face au Bétis Séville. On va parler Ligue 1 maintenant. Et il y a une info qui est tombée dans la journée. C'est Vadim Vassiliev qui quitte l'AS Monaco. C'était le vice-président en cause, les mauvais résultats du club. Alors, à quoi s'attendre maintenant pour le club de la Principauté, Antoine ? Alors déjà, bon, premièrement, les mauvais résultats du club, ça m'étonnerait que ça soit la seule raison. Parce qu'il y a un peu le feu à la maison, on va dire du côté de la direction de Monaco, avec Ribolovlev qui est toujours empêtré dans des affaires judiciaires assez impressionnantes. Je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres raisons un peu plus officieuses à ce départ de Vassiliev. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau de l'image, ça va être un gros impact. Parce que Vassiliev, c'était un peu l'image de Monaco. C'est assez incroyable en fait, de voir ce départ assez inattendu. C'est une grosse surprise de la prise cet après-midi. Alors, surtout qu'il y a un petit peu de mieux, on va dire, au niveau du jeu. Il y a le retour de Jardim qui peut laisser espérer quelque chose. Donc, pour moi, je pense qu'il y a d'autres raisons parce qu'un départ aussi précipité, alors que Jardim est revenu depuis pas si longtemps, ça ne me paraît pas être une raison valable. Déjà, il est important de dire que Vassiliev n'est pas parti de son plein gré. Il a été poussé vers la sortie. Après ça, il a été poussé à la démission par Ribolovlev. Ribolovlev qui a effectivement pointé les mauvais résultats, mais pas que. Ribolovlev qui a dit des erreurs importantes ont été commises. Voilà. Pas que de résultats, je pense. Des erreurs importantes, il y avait un gros souci en interne. Maintenant, cette saison de Monaco, c'est le grand n'importe quoi. La saison de Monaco est totalement rocambolesque. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un nouvel épisode sur le rocher. Oui, mais je pense que là, Vassiliev, il paye un peu le départ-retour de Jardim. Je pense que c'est le fusible. Il fallait quelqu'un. Après cette histoire complètement rocambolesque, il fallait qu'il y ait une cible. Il fallait que quelqu'un saute en interne. Et vu que pour une fois, ça ne peut pas être l'entraîneur, vu que l'histoire, c'est le problème de l'entraîneur, je pense que c'est Vassiliev qui a pris. Mais ça ne m'étonne pas, mais le problème maintenant vient justement de cette politique que Monaco a depuis l'arrivée des Russes à la tête du club. Maintenant, c'était une politique qui fonctionnait parfaitement bien. Bah oui. Monaco était devenu, entre guillemets, ce que certains appelaient le nouveau Porto. On envoie des pépites, on les cajole tranquillement, puis on les revend une fois que ces pépites ont littéralement explosé. Et pour le coup, là, Monaco a, par contre, au fur et à mesure des années, enchaîné X nombre d'achats et X nombre de ventes, X nombre de prêts également. Et il y avait forcément une saison où, d'ailleurs, on voyait que Monaco faisait une bonne saison toutes les 2 saisons à peu près. Forcément, il y avait une année où la mayonnaise n'allait pas prendre et elle est arrivée cette année. Par contre, on voit l'ingérence en fait dans ce club lorsque ça ne va pas. Parce que lorsque ça ne va pas, normalement, tu t'en remets toujours à, on va dire, un bon mercato d'hiver. On évite qu'il y ait le feu dans la maison monégasque. Et là, pas du tout. Depuis le début de la saison, mais personne n'est serein, que ce soit tout en haut de la pyramide monégasque jusqu'aux joueurs. Mais Vassiliev, qui était déjà à l'origine d'affaires un petit peu sulfureuses avec le club, je ne parle même pas de ses affaires extra-sportives, mais avec le club, l'histoire Mbappé, Vassiliev avait été beaucoup impacté parce qu'à la base, Jardim ne voulait pas intégrer aussi vite Mbappé. Et c'est son père, Wilfried Mbappé, qui était venu se plaindre à la direction monégasque, qui avait limite imposé de le faire jouer. Alors ça a fonctionné, tant mieux. On a sorti un Kylian Mbappé comme on le connaît aujourd'hui. Mais par contre, ça aurait pu être un flop monumental et se retourner contre Monaco. Il y a toujours des problèmes quand les présidents viennent le risque était quand même moindre. C'était un joueur formé au club. Bien sûr, le risque était moindre. Mais par contre, il y a toujours un problème en général quand les présidents viennent s'immiscer dans la politique sportive. À partir de ce moment-là, je pense qu'il faut vraiment que tout soit bien séparé. Il y a une politique sportive, il y a une politique économique, financière, il y a la direction qui doit chapeauter tout ça. Il n'y a pas de politique sportive à Monaco depuis un long moment. Monaco est géré comme une entreprise. Économique. Monaco est géré comme une pure entreprise. Ah bah oui. Bon, chaque club de foot est une entreprise, Mais Monaco est vraiment géré, comme tu dis, Johan, d'un aspect purement économique. C'est le problème de Monaco. Monaco s'occupe de permettre aux jeunes joueurs talentueux d'exploser, et dès que c'est le cas, on les revend à X prix. On peut citer plusieurs joueurs. Après, on peut. Il n'y a eu que la première saison où il y a eu des folies avec l'achat de James, de Falcao, de Moutinho, l'arrivée de plusieurs autres joueurs comme Abidal qui avait des salaires astronomiques. Mais depuis, Monaco s'est toujours concentré sur les jeunes pépites pour les revendre mieux encore. Le dernier en date, je pense que c'est Thomas Lemar. Thomas Lemar. Il y a Bernardo Silva également. Pourtant, Bernardo Silva avait été acheté 15 millions quand même, mais pour être vendu 60. Le problème, c'est que ça ne peut pas marcher tout le temps. Le problème, c'est que quand ça ne marche pas, c'est là qu'on voit si ton entreprise est bien gérée. Et pour le coup, là, on voit que non. C'est la limite monégasque qui nous offre une saison totalement rocambolesque. Et ça commence à faire peur. On pourrait se dire qu'ils vont vraiment finir par descendre. Et puis là, cette saison, je vois pas. Après, bon, on n'est pas à la moitié, on a un peu plus de la moitié de la saison. Je vois pas de joueurs qui pourraient permettre, on va dire, de sauver cette saison sur un plan économique en étant vendu. Il y aura des départs forcément, parce que surtout si Monaco descend, là, ça va être la catastrophe. Ah, mais totalement. Et je vois personne, là, dans l'équipe de Monaco actuelle, qui pourrait être revendu à un très bon prix et donc pouvoir Ronnie dire Lopez. Quand même au niveau économique. Il y a Ronnie Lopez. Ça sera peut-être la seule vraie pépite. Parce que l'autre est Gelson Martins, et malheureusement, il n'appartient pas au club. Donc ouais, mais je pense que ça va être compliqué même pour Ronnie Lopez, parce que vu la situation sportive, tu ne veux pas te permettre de vendre des joueurs à un même prix si tu finis deuxième. Ah, mais si totalement. Mais Ronnie Lopez est souvent blessé, en plus. Souvent blessé, il a un petit peu le contre-coup de sa grosse blessure. Il était surtout blessé depuis 4 ou 5 mois. Ouais. Il a un petit peu de mal à revenir, mais on a pu le voir. Je pense à son but contre Guingamp en Coupe de la Ligue, qui est exceptionnel. Il est exceptionnel. Voilà, quand ce joueur est en forme, ça passe. Maintenant, il y a du mieux avec Jardim. Il faudra voir ce que ça donne, mais je commence à vraiment avoir peur pour ce club. Est-ce qu'un système économique comme ça, comme celui de Monaco, est viable dans le domaine sportif? Est-ce qu'il n'est pas voué à l'échec pour le domaine sportif, en tout cas? Pas sur le long terme. L'exemple qu'on peut sortir, à moindre mesure, c'est Lorient. Lorient qui avait un système exactement dans ce style, faire des pépites, les vendre cher. Et il y a une année où Lorient a vendu pour entre 30 et 40 millions, avec notamment Ndong et Guerrero qui ont rapporté énormément d'argent. Ils ont dépensé pour 5 millions au mercato. Ils ont rappelé en catastrophe Ali Adier et compagnie gratuitement, qui étaient des anciens. Ils sont descendus et maintenant ça fait quelques saisons qu'ils sont en Ligue 2. C'est une politique qui au bout d'un moment ne marche pas. Saint-Etienne à un moment avait fait cette politique d'avoir de très bons joueurs, de les revendre à, on va dire, un petit peu meilleur coût. Saint-Etienne n'était pas le meilleur vendeur, mais c'est une stratégie qui avait également sa limite à Saint-Etienne, qui a petit à petit plongé au classement avant de faire des gros efforts cette saison. Même Porto, qui sont quand même les rois de cette stratégie, il y a un moment ça fonctionnait très bien puisqu'ils réussissaient quand même à avoir des résultats européens. On les a vus plusieurs fois assez haut dans les tableaux, en Ligue des Champions un peu moins, mais souvent en Europa League. Et puis là, depuis quelques saisons, il n'y a plus rien. Porto, pour le coup, ça a marché quasiment sur le long terme. Hein, parce que Porto fait ça pendant 10-15 ans. Là, c'est assez impressionnant. Ouais, mais il y a un moment, dans le foot d'aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Dans le foot d'aujourd'hui, en fait, vu l'explosion des prix sur le marché des transferts et l'explosion des salaires, c'est une politique qui marchera sur 3 à 5 ans maximum. Après Porto, pour reprendre cet exemple, ne détenait pas ses joueurs complètement. Il y avait exactement. Il était très très important. C'était assez compliqué. Très important. Platini avait essayé de limiter cela au Portugal et ça ne s'est pas fait. Ça n'a pas marché. Oui, il y a plein de trucs à faire à la place du fair play financier. Mais bon, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Et on parle Ligue 1. Les titulaires sur StudecWeb. Alors, test. Salut, c'est Fanny Agostini sur StudecWeb. Bonjour, c'est Laurent Fontaine, écoutez StudecWeb. Studec. La web radio des nouveaux talents. Salut, c'est Vincent Vinel sur StudecWeb. Bonjour, Jean-Claude Camus, je suis sur StudecWeb. Salut, c'est Pascal Gigot, comme vous, j'écoute StudecWeb. Ah, pas tout le temps non plus, hein. Mais de temps en temps, on aime bien. Bonjour, je suis Benoît Arschlossberg, le directeur du conservatoire d'ici Moulineaux. Et vous êtes sur StudecWeb. Tous vos artistes préférés sont sur StudecWeb. Merci à vous. Merci. À très vite sur StudecWeb. Les titulaires avec Johan Bredov sur StudecWeb. Et on a bouclé la page tournée, la page plutôt Vadim Vassiliev. Et je rappelle que Monaco est 18e de Ligue 1. Et donc, on espère en tout cas pour ce club qu'ils pourront s'en sortir malgré toutes ces affaires. On va parler donc du coup de la Ligue 1, évidemment, avec Nantes qui a gagné. Antoine, tu voulais dire quelque chose? Justement, c'est qu'il n'y a pas que Rennes qui joue en Europa League. Il y a d'autres matchs, et notamment deux gros matchs entre Séville et la Lazio. Enfin, c'est assez à Rome. Et Mate Borisov, Arsenal, et Séville a ouvert le score contre la Lazio, but de Wissem Ben Yedder. Sous-côté cet attaquant. Bah, toujours. Je ne fais que le dire. Ça fait des années que Ben Yedder est extrêmement fort. Nantes qui a gagné. Pourquoi je voulais parler de Nantes, on ne va pas débattre dessus. mais voilà, en Ligue des Champions, tous les huitièmes de finale aller vont rendre hommage à Emiliano Sala. Oui. Donc, il fallait le souligner. Nantes qui a gagné enfin. Ça doit leur faire du bien parce que Nantes est 14e maintenant de Ligue 1 et il ne faudrait pas que cette histoire non plus les enfonce au plus profond du classement. Et donc, on leur souhaite le meilleur. Contre Caen en plus, qui est aussi un ancien club de Salah. Caen, par contre, c'est désespérant. Au-delà, voilà. Excuse-moi, je m'extirpe un petit peu de cet hommage à Salah qui était très digne d'ailleurs, qui est digne encore aujourd'hui. Mais quand ça commence à être très, très inquiétant. Fabien Mercadal serait sur le départ et je trouve que c'est dommage parce que c'est un coach qui a un vrai projet. Mais malheureusement, l'équipe est trop faible, voilà. Malheureusement. Exactement. 5 défaites de suite. Caen qui est 19e, juste devant Guingamp et derrière Monaco, justement, on en parlait. On va parler de Saint-Etienne qui a joué hier. Saint-Etienne qui s'est imposé 2-0 et qui, eux aussi, remontent en tout cas un petit peu parce que depuis le derby, c'était pas trop ça. Saint-Etienne qui avait un peu de mal et Saint-Etienne qui va devoir jouer face au PSG dimanche. C'est le match à 21h. À quoi s'attendre pour Saint-Etienne, Johan? Ça va être compliqué. Saint-Etienne peut le faire. Saint-Etienne est capable de tout cette saison. Saint-Etienne est capable de remporter ce match et peut très bien prendre 4-0 à domicile. Saint-Etienne a surtout un vrai problème. C'est dans quasiment tous ses matchs, et c'était encore le cas hier pour ceux qui ont vu la rencontre, Saint-Etienne ne joue qu'une période sur deux. C'est assez impressionnant. Soit Saint-Etienne fait une excellente première période, soit elle réagit de manière extrêmement bien en seconde période. Alors pour le coup, quand ils perdent 3-0 à Rennes, ils font un match très très bon. C'est un petit peu dommage. D'ailleurs, Amouma, qui fait un excellent match, a eu le syndrome du joueur frustré qui prend son carton rouge à la fin de la rencontre. Mais je pense que chaque année, on le dit, mais chaque année, c'est un petit peu la même. Un mauvais pari. Voilà, un pari qui a un coup de moins bien. Et un Saint-Etienne qui fait un excellent match, c'est ce qui peut permettre aux Verts de remporter cette rencontre. Ce qui, pour moi, paraît quand même très compliqué. Pour moi, ça n'arrivera pas un mauvais pari parce que Paris, OK, peut avoir un petit coup de moins bien. Là, je pense que Paris peut avoir un petit coup de décompression après avoir joué un match à très haute intensité. Puis les joueurs peuvent avoir peur des blessures aussi. Voilà, il y a ça. Mais après, le match est dans 3 semaines contre United, donc je pense que ça ne sera pas pareil. Mais voilà, il peut y avoir toujours cette peur de blessure. Il peut y avoir aussi du turnover parce que les joueurs ont joué donc un match vraiment très intense. Je pense qu'on verra Moussa Diaby titulaire déjà. Il y a des chances qu'on voit Colin Dagba, qu'on voit Choupo-Moting. Et Saint-Etienne aura une carte à jouer. Ça dépendra vraiment de leur état de forme, de leur état d'esprit. Et après, je suis un peu inquiet parce que Saint-Etienne a joué du coup là, hier. Saint-Etienne n'est pas forcément habitué à jouer des matchs tous les 3 jours et à jouer des matchs régulièrement. Je pense que ça va. Là, il faut surtout s'appuyer sur, comme tu dis, une certaine décompression. Le match très très intense pour Paris, c'était contre Liverpool, quand Paris s'impose 2-1 au Parc. Derrière, ils font 2-2 contre Bordeaux. À Bordeaux, et ils font un partout après à Strasbourg. Ouais. Il me semble que Paris enchaîne 2 matchs nuls après sa victoire magnifique contre Liverpool. Saint-Etienne doit se servir de ça, pourquoi pas. Ça peut être un levier. Maintenant, voilà, c'est la même rengaine chaque année. Paris doit faire un mauvais match et Saint-Etienne doit faire un bon match. C'est Saint-Etienne qui doit faire un bon match. Il avait fait un très bon match l'année dernière. Juste avant de se quitter, un point sur le résultat entre Rennes et Betis Séville. Une mauvaise nouvelle, le Betis Séville qui revient 2-1. But de Antoine Giovanni Lo Celso. Ah, Lo Celso, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain. Ça fait 3-0 pour Paris, du coup, non? Ça fait 3-0 pour Paris. Paris qui est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Non, voilà, on se retrouve la semaine prochaine et on va parler de la Ligue des Champions, évidemment, avec Lyon qui joue Barcelone. Quel autre gros match? Liverpool-Bayern, pas mal. Atlético-Juve. Et match incroyable. Qu'est-ce que je l'attends, celui-là? Et ça va être un gros match. Et Schalke 04, quelle Manchester semaine. City. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis. Les titulaires sur Studec Web. Studec, 100% nouveau, 100% radio.